Section 7 Des Mémoires d'Outre-Tombe, volume 3, par François-René de Chateaubriand. Les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre deuxième. Projets et préparatifs de la guerre de Russie. Embarras de Napoléon, réunion à Dresde, Bonaparte passe en revue son armée et arrive au bord du Niémen. Invasion de la Russie. Vilna. Le sénateur polonais Wybicki. Le parlementaire russe Balachov. Smolensk. Murat. Le fils de Platov. Retraite des Russes. Le Boristen. Obsession de Bonaparte. Kutuzov succède à Barclay dans le commandement de l'armée russe. Bataille de la Moscova ou de Borodino. Bulletin. Aspect du champ de bataille. Extrait du 18e bulletin de la Grande Armée. Marche en avant des Français. Rostopchine. Bonaparte au Mont du Salut. Vue de Moscou. Entrée de Napoléon au Kremlin. Incendie de Moscou. Bonaparte gagne avec peine Petrovski. Écriteau de Rostopchine. Séjour sur les ruines de Moscou. Occupation de Bonaparte. Retraite. Smolensk. Suite de la retraite. Passage de la Bérézina. Jugement sur la campagne de Russie. Dernier bulletin de la Grande Armée. Retour de Bonaparte à Paris. Harangue du Sénat. Malheur de la France. Joie forcée. Séjour à ma vallée. Réveil de la légitimité. Le pape à Fontainebleau. Défection. Mort de Lagrange et de Delille. Bataille de Lutzen, de Bautzen et de Dresde. Revers en Espagne. Campagne de Saxe ou des poètes. Bataille de Leipzig. Retour de Bonaparte à Paris. Traité de Valençay. Le corps législatif convoqué puis ajourné. Les alliés passent le Rhin. Colère de Bonaparte. Premier jour de l'an 1814. Notes qui devinrent la brochure de Bonaparte et des Bourbons. Je prends un appartement rue de Rivoli. Admirable campagne de France, 1814. Je commence à imprimer ma brochure. Une note de Madame de Chateaubriand. La guerre établie aux barrières de Paris. Vue de Paris. Combat de Belleville. Fuite de Marie-Louise et de la Régence. Monsieur de Talleyrand reste à Paris. Proclamation du prince généralissime Schwarzenberg. Discours d'Alexandre. Capitulation de Paris. Bonaparte ne voyait plus d'ennemis. Ne sachant où prendre des empires, faute de mieux, il avait pris le royaume de Hollande à son frère. Mais une inimitié secrète, qui remontait à l'époque de la mort du duc d'Enghien, était restée au fond du cœur de Napoléon contre Alexandre. Une rivalité de puissance l'animait. Il savait ce que la Russie pouvait faire et à quel prix il avait acheté les victoires de Friedland et d'Eylau. Les entrevues de Tilsit et d'Erfurt, des suspensions d'armes forcées, une paix que le caractère de Bonaparte ne pouvait supporter, des déclarations d'amitié, des serrements de main, des embrassades, des projets fantastiques de conquête commune, tout cela n'était que des ajournements de haine. Il restait sur le continent un pays et des capitales où Napoléon n'était point entré, un empire debout en face de l'empire français. Les deux colosses se devaient mesurer. À force d'étendre la France, Bonaparte avait rencontré les Russes, comme Trajan, en passant le Danube, avait rencontré les Goths. Un calme naturel, soutenu d'une piété sincère depuis qu'il était revenu à la religion, inclinait Alexandre à la paix. Il ne l'aurait jamais rompu si l'on était venu le chercher. Toute l'année 1811 se passa en préparatifs. La Russie invitait l'Autriche domptée et la Prusse pantelante à se réunir à elle dans le cas où elle serait attaquée. L'Angleterre arrivait avec sa bourse. L'exemple des Espagnols avait soulevé les sympathies des peuples. Déjà commençait à se former le lien de la vertu, Tugendbund, qui enserrait peu à peu la jeune Allemagne. Bonaparte négociait, il faisait des promesses. Il laissait espérer au roi de Prusse la possession des provinces russes allemandes. Le roi de Saxe et l'Autriche se flattaient d'obtenir des agrandissements dans ce qui restait encore de la Pologne. Les princes de la Confédération du Rhin rêvaient des changements de territoire à leur convenance. Il n'y avait pas jusqu'à la France que Napoléon ne méditât d'élargir, quoiqu'elle débordât déjà sur l'Europe. Il prétendait l'augmenter nominativement de l'Espagne. Le général Sébastiani lui dit « Et votre frère ?» Napoléon répliqua « Qu'importe mon frère ? Est-ce qu'on donne un royaume comme l'Espagne ?» Le maître disposait par un mot du royaume qui avait coûté tant de malheurs et de sacrifices à Louis XIV. Mais il ne l'a pas gardé si longtemps. Quant au peuple, jamais homme n'en a moins tenu compte et ne les a plus méprisés que Bonaparte. Il en jetait des lambeaux à la meute de rois qu'il conduisait à la chasse, le fouet à la main. Attila, dit Jean Nandès, menait avec lui une foule de princes tributaires qui attendaient avec crainte et tremblement un signe du maître des monarques pour exécuter ce qui leur serait ordonné. Avant de marcher en Russie avec ses alliés, l'Autriche et la Prusse, avec la Confédération du Rhin composée de rois et de princes, Napoléon avait voulu assurer ses deux flancs qui touchaient aux deux bords de l'Europe. Il négociait deux traités, l'un au midi avec Constantinople, l'autre au nord avec Stockholm. Ces traités manquèrent. Napoléon, à l'époque de son consulat, avait renoué des intelligences avec la Porte. Sélim et Bonaparte avaient échangé leurs portraits. Ils entretenaient une correspondance mystérieuse. Napoléon écrivait à son compère, en date d'Osterode, 3 avril 1807, « Tu t'es montré le digne descendant des Sélim et des Soliman. Confie-moi tous tes besoins. Je suis assez puissant et assez intéressé de tes succès, tant par amitié que par politique, pour n'avoir rien à te refuser. » Charmante effusion de tendresse entre deux sultans, causant bec à bec, comme aurait dit Saint-Simon. Sélim renversé, Napoléon revient au système russe et songe à partager la Turquie avec Alexandre. Puis, bouleversé encore par un nouveau cataclysme d'idées, il se détermine à l'invasion de l'Empire moscovite. Mais ce n'est que le 21 mars 1812 qu'il demande à Mahmoud son alliance, requérant soudain de lui 100 000 Turcs au bord du Danube. Pour cette armée, il offre à la Porte la Valachie et la Moldavie. Les Russes l'avaient devancé, leur traité était au moment de se conclure et il fut signé le 28 mai 1812. Au nord, les événements trompèrent également Bonaparte. Les Suédois auraient pu envahir la Finlande comme les Turcs menaçaient la Crimée. Par cette combinaison, la Russie, ayant deux guerres sur les bras, eût été dans l'impossibilité de réunir ses forces contre la France. Ce serait de la politique sur une vaste échelle si le monde n'était aujourd'hui rapetissé, au moral comme au physique, par la communication des idées et des chemins de fer. Stockholm, se renfermant dans une politique nationale, s'arrangea avec Pétersbourg. Après avoir perdu en 1807 la Poméranie envahie par les Français et en 1808 la Finlande envahie par la Russie, Gustave IV avait été déposé. Gustave, loyal et fou, a augmenté le nombre des rois errants sur la terre, et moi, je lui ai donné une lettre de recommandation pour les pères de Terre Sainte. C'est au tombeau de Jésus-Christ qu'il se faut consoler. L'oncle de Gustave fut mis en place de son neveu détrôné. Bernadotte, ayant commandé le corps d'armée français en Poméranie, s'était attiré l'estime des Suédois. Ils jetèrent les yeux sur lui. Bernadotte fut choisi pour combler le vide que laissait le prince de Holstein à Augustenbourg, prince héréditaire de Suède, nouvellement élu et mort. Napoléon vit avec déplaisir l'élection de son ancien compagnon. L'inimitié de Bonaparte et de Bernadotte remontait haut. Bernadotte s'était opposé aux 18 Brumaire. Ensuite, il contribua par des conversations animées et par l'ascendant qu'il exerçait sur les esprits, à ces brouillements qui amenèrent Moreau devant une cour de justice. Bonaparte se vengea à sa façon en cherchant à ravaler un caractère. Après le jugement de Moreau, il fit présent à Bernadotte d'une maison, rue d'Anjou, dépouille du général condamné. Par une faiblesse alors trop commune, le beau-frère de Joseph Bonaparte n'osa refuser cette munificence peu honorable. Grosbois fut donné à Berthier. La fortune ayant mis le sceptre de Charles XII aux mains d'un compatriote de Henri IV, Charles-Jean se refusa à l'ambition de Napoléon. Il pensa qu'il lui était plus sûr d'avoir pour allié Alexandre, son voisin, que Napoléon, ennemi éloigné. Il se déclara neutre, conseilla la paix et se proposa pour médiateur entre la Russie et la France. Bonaparte entre en fureur. Il s'écrie « Lui, le misérable, il me donne des conseils, il veut me faire la loi, un homme qui tient tout de ma bonté, quelle ingratitude! Je saurais bien le forcer de suivre mon impulsion souveraine !» À la suite de ces violences, Bernadotte signa le 24 mars 1812 le traité de Saint-Pétersbourg. Ne demandez pas de quel droit Bonaparte traitait Bernadotte de misérable, oubliant qu'il ne sortait, lui, Bonaparte, ni d'une source plus élevée, ni d'une autre origine, la Révolution et les armes. Ce langage insultant n'annonçait ni la hauteur héréditaire du rang, ni la grandeur de l'âme. Bernadotte n'était point ingrat, il ne devait rien à la bonté de Bonaparte. L'empereur s'était transformé en un monarque de vieille race qui s'attribue tout, qui ne parle que de lui, qui croit récompenser ou punir en disant qu'il est satisfait ou mécontent. Beaucoup de siècles passés sous la couronne, une longue suite de tombeaux à Saint-Denis n'excuserait pas même ses arrogances. La fortune ramena des États-Unis et du nord de l'Europe deux généraux français sur le même champ de bataille pour faire la guerre à un homme contre lequel ils s'étaient d'abord réunis et qui les avait séparés. Soldat au roi, nul ne songeait alors qu'il y eût crime à vouloir renverser l'oppresseur des libertés. Bernadotte triompha, Moreau succomba. Les hommes disparus jeunes sont de vigoureux voyageurs, ils font vite une route que des hommes plus débiles achèvent à pas lents. Ce ne fut pas faute d'avertissement que Bonaparte s'obstina à la guerre de Russie. Le duc de Frioul, le comte de Ségur, le duc de Vicence, consultés, opposèrent à cette entreprise une foule d'objections. « Il ne faut pas, disait courageusement le dernier, histoire de la grande armée, en s'emparant du continent et même des états de la famille de son allié, accuser cet allié de manquer au système continental. Quand les armées françaises couvraient l'Europe, comment reprocher aux Russes leur armée? Fallait-il donc se jeter par-delà tous ces peuples de l'Allemagne, dont les plaies faites par nous n'étaient point encore cicatrisées? Les Français ne se reconnaissaient déjà plus au milieu d'une patrie qu'aucune frontière naturelle ne limitait. Qui donc défendra la véritable France abandonnée? Ma renommée, répliqua l'empereur. Médée avait fourni cette réponse, Napoléon faisait descendre à lui la tragédie. Il annonçait le dessein d'organiser l'Empire en cohortes de bancs et d'arrière-bancs. Sa mémoire était une confusion de temps et de souvenirs. À l'objection des divers partis existants encore dans l'Empire, il répondit « Les royalistes redoutent plus ma perte qu'ils ne la désirent. Ce que j'ai fait de plus utile et de plus difficile a été d'arrêter le torrent révolutionnaire. Il aurait tout englouti. Vous craignez la guerre pour mes jours? Me tuer, moi, c'est impossible. Ai-je donc accompli les volontés du destin? Je me sens poussé vers un but que je ne connais pas. Quand je l'aurai atteint, un atome suffira pour m'abattre. » C'était encore une copie. Les Vandales, en Afrique, Alaric, en Italie, disaient ne céder qu'à une impulsion surnaturelle. Divino Iussu Perorgeri. L'absurde et honteuse querelle avec le pape, augmentant les dangers de la position de Bonaparte, le cardinal Fesch le conjurait de ne pas s'attirer à la fois l'inimitié du ciel et de la terre. Napoléon prit son oncle par la main, le mena à une fenêtre, c'était la nuit, et lui dit « Voyez-vous cette étoile ?»« Non, sire. »« Regardez bien. »« Sire, je ne la vois pas. »« Eh bien, moi, je la vois. » »« Vous aussi, disait Bonaparte à M. de Caulaincourt, vous êtes devenu russe ?»« Souvent, assure M. de Ségur, on le voyait, Napoléon, à demi renversé sur un sofa, plongé dans une méditation profonde. Puis il en sort tout à coup, comme en sursaut, convulsivement, et par des exclamations. Il croit s'entendre nommer et s'écrie « Qui m'appelle ?» Alors il se lève, marche avec agitation. Quand le balafré touchait à sa catastrophe, il monta sur la terrasse du château de Blois, appelé le Perche aux Bretons. Sous un ciel d'automne, une campagne déserte s'étendant au loin, on le vit se promener à grands pas avec des mouvements furieux. Bonaparte, dans ses hésitations salutaires, dit « Rien n'est assez établi autour de moi pour une guerre aussi lointaine. Il faut la retarder de 3 ans. » Il offrait de déclarer au tsar qu'il ne contribuerait ni directement ni indirectement au rétablissement d'un royaume de Pologne. L'ancienne et la nouvelle France ont également abandonné ce fidèle et malheureux pays. Cet abandon, entre toutes les fautes politiques commises par Bonaparte, est une des plus graves. Il a déclaré, depuis cette faute, que s'il n'avait pas procédé à un rétablissement hautement indiqué, c'est qu'il avait craint de déplaire à son beau-père. Bonaparte était bien homme à être retenu par des considérations de famille. L'excuse est si faible qu'elle ne le mène, en la donnant, qu'à maudire son mariage avec Marie-Louise. Loin d'avoir senti ce mariage de la même manière, l'empereur de Russie s'était écrié « Me voilà renvoyé au fond de mes forêts ». Bonaparte fut tout simplement aveuglé par l'antipathie qu'il avait pour la liberté des peuples. Le prince Poniatowski, lors de la première invasion de l'armée française, avait organisé des troupes polonaises. Des corps politiques s'étaient assemblés. La France maintint deux ambassadeurs successifs à Varsovie, l'archevêque de Malines et M. Bignon. Français du Nord, les Polonais, braves et légers comme nous, parlaient notre langue. Ils nous aimaient comme des frères. Ils se faisaient tuer pour nous avec une fidélité où respirait leur aversion de la Russie. La France les avait jadis perdus. Il lui appartenait de leur rendre la vie. Ne devait-on rien à ce peuple sauveur de la chrétienté? Je l'ai dit à Alexandre, à Vérone. Si votre majesté ne rétablit pas la Pologne, elle sera obligée de l'exterminer. Prétendre ce royaume condamné à l'oppression par sa position géographique, c'est trop accorder aux collines et aux rivières. 20 peuples entourés de leur seul courage ont gardé leur indépendance. Et l'Italie, remparée des Alpes, est tombée sous le joug de quiconque les a voulu franchir. Il serait plus juste de reconnaître une autre fatalité, savoir que les peuples belliqueux, habitants des plaines, sont condamnés à la conquête. Des plaines sont accourues les divers envahisseurs de l'Europe. Loin de favoriser la Pologne, on voulut que ses soldats prissent la cocarde nationale. Pauvre qu'elle était, on la chargeait d'entretenir une armée française de 80 000 hommes. Le grand-duché de Varsovie était promis au roi de Saxe. Si la Pologne eût été reformée en royaume, la race slave, depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire, reprenait son indépendance. Même dans l'abandon où Napoléon laissait les Polonais, tout en se servant d'eux, il demandait qu'on les jetât en avant. Il se vantait de pouvoir seul entrer sans nous à Moscou. Proposition inopportune. Le poète armé Bonaparte avait reparu. Il voulait monter au Kremlin pour y chanter et pour signer un décret sur les théâtres. Quoi qu'on publie aujourd'hui à la louange de Bonaparte, ce grand démocrate, sa haine des gouvernements constitutionnels était invincible. Elle ne l'abandonna point alors même qu'il était entré dans les déserts menaçants de la Russie. Le sénateur Wybicki lui apporta jusqu'à Vilna les résolutions de la Diète de Varsovie. « C'est à vous, disait-il dans son exagération sacrilège, c'est à vous qui dictez au siècle son histoire et en qui la force de la Providence réside. C'est à vous d'appuyer des efforts que vous devez approuver. » Il venait, lui, Wybicki, demander à Napoléon le Grand de prononcer ces seules paroles « que le royaume de Pologne existe ». Et le royaume de Pologne existera. Les Polonais se dévoueront aux ordres du chef devant qui les siècles ne sont qu'un moment et l'espace qu'un point. Napoléon répondit, « Gentilhomme, député de la Confédération de Pologne, j'ai entendu avec intérêt ce que vous venez de me dire. Polonais, je penserai et agirai comme vous. J'aurai voté comme vous dans l'Assemblée de Varsovie. L'amour de son pays est le premier devoir de l'homme civilisé. Dans ma situation, j'ai beaucoup d'intérêts à concilier et beaucoup de devoirs à remplir. Si j'avais régné pendant le premier, le second ou le troisième partage de la Pologne, j'aurais armé mes peuples pour la défendre. J'aime votre nation. Pendant 16 ans, j'ai vu vos soldats à mes côtés, dans les champs d'Italie et dans ceux de l'Espagne. J'applaudis à ce que vous avez fait. J'autorise les efforts que vous voulez faire. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour seconder vos résolutions. Je vous ai tenu le même langage dès ma première entrée en Pologne. Je dois y ajouter que j'ai garanti à l'empereur d'Autriche l'intégrité de ses domaines et que je ne puis sanctionner aucune manœuvre ou aucun mouvement qui tende à troubler la paisible possession de ce qui lui reste des provinces de la Pologne. Je récompenserai ce dévouement de vos contrées qui vous rend si intéressant et vous acquiert tant de titres à mon estime et à ma protection par tout ce qui pourra dépendre de moi dans les circonstances. ainsi crucifiée pour le rachat des nations, la Pologne a été abandonnée. On a lâchement insulté sa passion. On lui a présenté l'éponge pleine de vinaigre, lorsque sur la croix de la liberté elle a dit « J'ai soif, c'est Io ». Quand la liberté, s'écrit Mickiewicz, s'assiera sur le trône du monde, elle jugera les nations. Elle dira à la France « Je t'ai appelé, tu ne m'as pas écouté, va donc à l'esclavage ». Tant de sacrifices, tant de travaux, dit l'abbé de Lamennais, doivent-ils être stériles? Les sacrés martyrs n'auraient-ils semé dans les champs de la patrie qu'un esclavage éternel? Qu'entendez-vous dans ces forêts? Le murmure triste des vents. Que voyez-vous passer dans ces plaines, l'oiseau voyageur qui cherche un lieu pour se reposer? Le 9 mai 1812, Napoléon partit pour l'armée et se rendit à Dresde. C'est à Dresde qu'il rassembla les ressorts épars de la Confédération du Rhin et que pour la première et la dernière fois il mit en mouvement cette machine qu'il avait fabriquée. Parmi les chefs-d'œuvre exilés qui regrettent le soleil de l'Italie, a lieu une réunion de l'empereur Napoléon et de l'impératrice Marie-Louise, de l'empereur et de l'impératrice d'Autriche, d'une cohue de souverains grands et petits. Ces souverains aspirent à former de leurs diverses cours les cercles subordonnés de la cour première. Ils se disputent le vasselage. L'un veut être l'échanson du sous-lieutenant de Brienne, l'autre son panetier. L'histoire de Charlemagne est mise à contribution par l'érudition des chancelleries allemandes. Plus on était élevé, plus on était rampant. Une dame de Montmorency, dit Bonaparte dans Las Cases, se serait précipitée pour renouer les souliers de l'impératrice. Lorsque Bonaparte traversait le palais de Dresde pour se rendre à un gala préparé, il marchait le premier et en avant, le chapeau sur la tête. François II suivait, chapeau bas, accompagnant sa fille, l'impératrice Marie-Louise. La tourbe des princes venait pêle-mêle derrière, dans un respectueux silence. L'impératrice d'Autriche manquait au cortège, elle se disait souffrante, et ne sortait de ses appartements qu'en chaise à porteurs pour éviter de donner le bras à Napoléon, qu'elle détestait. Ce qui restait de sentiments nobles s'était retiré au cœur des femmes. Un seul roi, le roi de Prusse, fut d'abord tenu à l'écart. « Que me veut ce prince ? » s'écriait Bonaparte avec impatience. « N'est-ce pas assez de l'importunité de ses lettres ? Pourquoi veut-il me persécuter encore de sa présence ? Je n'ai pas besoin de lui. » Le grand crime de Frédéric Guillaume auprès du républicain Bonaparte était d'avoir abandonné la cause des rois. Les négociations de la cour de Berlin avec le directoire décelaient en ce prince, disait Bonaparte, une politique timide, intéressé, sans noblesse, qui sacrifiait sa dignité et la cause générale des trônes à de petits agrandissements. Quand il regardait sur une carte la Nouvelle-Prusse, il s'écriait « Se peut-il que j'aie laissé à cet homme tant de pays ?» Des trois commissaires des alliés qui le conduisirent à Fréjus, le commissaire prussien fut le seul que Bonaparte reçut mal et avec lequel il ne voulut avoir aucun rapport. On a cherché la cause secrète de cette aversion de l'empereur pour Guillaume. On l'a cru trouver dans telle et telle circonstance particulière. En parlant de la mort du duc d'Enghien, je pense avoir touché de plus près la vérité. Bonaparte attendit à Dresde les progrès des colonnes de ses armées. Marlborough, dans cette même ville, allant saluer Charles XII, aperçut sur une carte un tracé aboutissant à Moscou. Il devina que le monarque prendrait cette route et ne se mêlerait pas de la guerre de l'Occident. En avouant pas tout haut son projet d'invasion, Bonaparte ne pouvait néanmoins le cacher. Avec les diplomates, il mettait en avant trois griefs. L'oukase du 31 décembre 1810, prohibant certaines importations en Russie et détruisant par cette prohibition le système continental. La protestation d'Alexandre contre la réunion du duché d'Oldenbourg, les armements de la Russie. Si l'on était accoutumé à l'abus des mots, on s'étonnerait de voir donner pour cause légitime de guerre les règlements de douane d'un État indépendant et la violation d'un système que cet État n'a pas adopté. Quant à la réunion du duché d'Oldenbourg et aux armements de la Russie, vous venez de voir que le duc de Vicence avait osé montrer à Napoléon l'outrecuidance de ses reproches. La justice est si sacrée, elle semble si nécessaire au succès des affaires, que ceux-là même qui la foulent aux pieds prétendent n'agir que d'après ses principes. Cependant, le général Lauriston fut envoyé à Saint-Pétersbourg et le comte de Narbonne au quartier général d'Alexandre, messager de paroles suspectes de paix et de bon vouloir. L'abbé de Prat avait été dépêché à la diète polonaise. Il en revint surnommant son maître Jupiter Scapin. Le comte de Narbonne rapporta qu'Alexandre, sans abattement et sans jactance, préférait la guerre à une paix honteuse. Le czar professait toujours pour Napoléon un enthousiasme naïf, mais il disait que la cause des Russes était juste et que son ambitieux ami avait tort. Cette vérité, exprimée dans les bulletins moscovites, prit l'empreinte du génie national. Bonaparte devint l'antéchrist. Napoléon quitte Dresde le 29 mai 1812, passe à Posen et à Thorn. Il y vit piller les Polonais par ses autres alliés. Il descend la Vistule, s'arrête à Dantzig, Königsberg et Gumbinnen. Chemin faisant, il passe en revue ses différentes troupes. Aux vieux soldats, il parle des pyramides, de Marengo, d'Austerlitz, d'Iéna, de Friedland. Avec les jeunes gens, il s'occupe de leurs besoins, de leurs équipements, de leurs soldes, de leurs capitaines. Il jouait, dans ce moment, à la bonté. Lorsque Bonaparte franchit le Niémen, 85 500 000 âmes reconnaissaient sa domination ou celle de sa famille. La moitié de la population de la chrétienté lui obéissait. Ses ordres étaient exécutés dans un espace qui comprenait 19 degrés de latitude et 30 degrés de longitude. Jamais expédition plus gigantesque ne s'était vue, ne se reverrant. Le 22 juin, à son quartier général de Wilkowiski, Napoléon proclame la guerre. « Soldats, la seconde guerre de la Pologne est commencée. La première s'est terminée à Tilsit. La Russie est entraînée par la fatalité. Ses destins doivent s'accomplir. » Moscou répond à cette voix jeune encore par la bouche de son métropolitain âgé de 110 ans. La ville de Moscou reçoit Alexandre, son Christ, comme une mère dans les bras de ses fils zélés, et chante Hosanna. Béni soit celui qui arrive. Bonaparte s'adressait au destin, Alexandre à la Providence. Le 23 juin 1812, Bonaparte reconnut de nuit le Niémen. Il ordonna d'y jeter trois ponts. À la chute du jour suivant, quelques sapeurs passent le fleuve dans un bateau. Ils ne trouvent personne sur l'autre rive. Un officier de Cosaques commandant une patrouille vient à eux et leur demande qui ils sont. « Français, pourquoi venez-vous en Russie ? Pour vous faire la guerre. » Le Cosaque disparaît dans le bois. Trois sapeurs tirent sur la forêt. On ne leur répond point. Silence universel. Bonaparte était demeuré toute une journée étendu sans force et pourtant sans repos. Il sentait quelque chose se retirer de lui. Les colonnes de nos armées s'avancèrent à travers la forêt de Pilviski, à la faveur de l'obscurité, comme les uns conduits par une biche dans les palus méotides. On ne voyait pas le Niémen. Pour le reconnaître, il en fallut toucher les bords. Au milieu du jour, au lieu des bataillons moscovites ou des populations lituaniennes s'avançant au-devant de leurs libérateurs, on ne vit que des sables nus et des forêts désertes. À 300 pas du fleuve, sur la hauteur la plus élevée, on apercevait la tente de l'empereur. Autour d'elle, toutes les collines, leurs pentes, les vallées, étaient couvertes d'hommes et de chevaux. Note, Ségur, livre 4, chapitre 2, fin de note. L'ensemble des forces obéissant à Napoléon se montait à 680 300 fantassins, à 176 850 chevaux. Dans la guerre de la succession, Louis XIV avait sous les armes 600 000 hommes, tous français. L'infanterie active, sous les ordres immédiats de Bonaparte, était répartie en 10 corps. Ces corps se composaient de 20 000 Italiens, de 80 000 hommes de la Confédération du Rhin, de 30 000 Polonais, de 30 000 Autrichiens, de 20 000 Prussiens et de 270 000 Français. L'armée franchit le Niémen. Bonaparte passe lui-même le pont fatal et pose le pied sur la terre russe. Il s'arrête et voit défiler ses soldats, puis il échappe à la vue et galope au hasard dans une forêt, comme appelé au conseil des esprits sur la Bruyère. Il revient, il écoute, l'armée écoutait. On se figure entendre gronder le canon lointain. On était plein de joie, ce n'était qu'un orage. Les combats reculaient. Bonaparte s'abrita dans un couvent abandonné, double asile de paix. On a raconté que le cheval de Napoléon s'abattit et qu'on entendit murmurer « c'est un mauvais présage ». Un Romain reculerait. Vieille histoire de Scipion, de Guillaume le Bâtard, d'Édouard III et de Malesherbes partant pour le tribunal révolutionnaire. 3 jours furent employés au passage des troupes. Elles prenaient rang et s'avançaient. Napoléon s'empressait sur la route. Le temps lui criait « marche, marche !» comme parle Bossuet. À Vilna, Bonaparte reçut le sénateur Wybicki de la Diète de Varsovie. Un parlementaire russe, Balachov, se présente à son tour. Il déclare qu'on pouvait encore traiter, qu'Alexandre n'était point l'agresseur, que les Français se trouvaient en Russie sans aucune déclaration de guerre. Napoléon répond qu'Alexandre n'est qu'un général à la parade, qu'Alexandre n'a que 3 généraux. Kutuzov, dont lui, Bonaparte, ne se soucie pas parce qu'il est russe, Bennigsen, déjà trop vieux, il y a 6 ans et maintenant en enfance, Barclay, général de retraite. Le duc de Vicence, s'étant cru insulté par Bonaparte dans la conversation, l'interrompit d'une voix irritée. « Je suis bon français, je l'ai prouvé, je le prouverai encore en répétant que cette guerre est impolitique, dangereuse, qu'elle perdra l'armée, la France et l'empereur. » Bonaparte avait dit à l'envoyé russe « Croyez-vous que je me soucie de vos jacobins de polonais ?» Madame de Staël rapporte ce dernier propos. Ses hautes liaisons la tenaient bien informée. Elle affirme qu'il existait une lettre écrite à Monsieur de Romanzoff par un ministre de Bonaparte, lequel proposait de rayer des actes européens le nom de Pologne et de Polonais, preuve surabondante du dégoût de Napoléon pour ses braves suppliants. Bonaparte s'enquit devant Balachov du nombre des églises de Moscou. Sur la réponse, il s'écrie « Comment tant d'églises à une époque où l'on n'est plus chrétien ?»« Pardon, sire, reprit le moscovite, les Russes et les Espagnols le sont encore. » Balachov renvoyait avec des propositions inadmissibles. La dernière lueur de paix s'évanouit. Les bulletins disaient « Le voilà donc cet empire de Russie, de loin si redoutable, c'est un désert. » Il faut plus de temps à Alexandre pour rassembler ses recrues qu'à Napoléon pour arriver à Moscou. Bonaparte, parvenu à Vitebsk, eut un moment l'idée de s'y arrêter. Rentrant à son quartier général, après avoir vu Barclay se retirer encore, il jeta son épée sur Descartes et s'écria « Je m'arrête ici. Ma campagne de 1812 est finie. Celle de 1813 fera le reste. » Heureux s'il eût tenu à cette résolution que tous ses généraux lui conseillaient. Il s'était flatté de recevoir de nouvelles propositions de paix. Ne voyant rien venir, il s'ennuya. Il n'était qu'à 20 journées de Moscou. « Moscou, la ville sainte » répétait-il. Son regard devenait étincelant, son air farouche. L'ordre de partir est donné. On lui fait des observations, il les dédaigne. Daru, interrogé, lui répond qu'il ne conçoit ni le but ni la nécessité d'une pareille guerre. L'empereur réplique « Me prend-on pour un insensé? Pense-t-on que je fais la guerre par goût? Ne lui avait-on pas entendu dire, à lui, empereur, que la guerre d'Espagne et celle de Russie étaient 2 chancres qui rongeaient la France? Mais pour faire la paix, il fallait être 2, et l'on ne recevait pas une seule lettre d'Alexandre. Et ces chancres, de qui venaient-ils? Ces inconséquences passent inaperçues et se changent même au besoin en preuve de la candide sincérité de Napoléon. Bonaparte se croirait dégradé s'il s'arrêtait dans une faute qu'il reconnaît. Ses soldats se plaignent de ne plus le voir qu'au moment des combats, toujours pour les faire mourir, jamais pour les faire vivre. Il est sourd à ses plaintes. La nouvelle de la paix entre les Russes et les Turcs le frappe et ne le retient pas. Il se précipite à Smolensk. Les proclamations des Russes disaient « Il vient, Napoléon, la trahison dans le cœur et la loyauté sur les lèvres ». Il vient nous enchaîner avec ses légions d'esclaves. Portons la croix dans nos cœurs et le fer dans nos mains. Arrachons les dents à ce lion. Renversons le tyran qui renverse la terre. Sur les hauteurs de Smolensk, Napoléon retrouve l'armée russe, composée de 120 000 hommes. « Je les tiens, s'écrie-t-il. » Le 17, au point du jour, Béliard poursuit une bande de Cosaques et la jette dans le Dniepr. Le rideau replié, on aperçoit l'armée ennemie sur la route de Moscou. Elle se retirait. Le rêve de Bonaparte lui échappe encore. Murat, qui avait trop contribué à la vaine poursuite, dans son désespoir, voulait mourir. Il refusait de quitter une de nos batteries écrasée par le feu de la citadelle de Smolensk, non encore évacuée. « Retirez-vous tous, laissez-moi seul ici » s'écriait-il. Une attaque effroyable avait lieu contre cette citadelle. Rangée sur des hauteurs qui s'élèvent en amphithéâtre, notre armée contemplait le combat au-dessous. Quand elle vit les assaillants s'élancer à travers le feu et la mitraille, elle battit des mains comme elle avait fait à l'aspect des ruines de Thèbes. Pendant la nuit, un incendie attire les regards, un sous-officier de Davout escalade les murs, parvient dans la citadelle au milieu de la fumée, le son de quelques voix lointaines arrive à son oreille. Le pistolet à la main, il se dirige de ce côté et, à son grand étonnement, il tombe dans une patrouille d'amis. Les Russes avaient abandonné la ville et les Polonais de Poniatowski l'avaient occupée. Murat, par son costume extraordinaire, par le caractère de sa vaillance qui ressemblait à la leur, excitait l'enthousiasme des Cosaques. Un jour qu'ils faisaient sur leur bande une charge furieuse, ils s'emportent contre elles, les gourmandent et leur commandent. Les Cosaques ne comprennent pas, mais ils devinent, tournent bride et obéissent à l'ordre du général ennemi. Lorsque nous vîmes à Paris l'hetman Platov, nous ignorions ses affections paternelles. En 1812, il avait un fils beau comme l'Orient. Ce fils montait un superbe cheval blanc de l'Ukraine. Le guerrier de 17 ans combattait avec l'intrépidité de l'âge qui fleurit et espère. Un Uhlan polonais le tua. Étendu sur une peau d'ours, les Cosaques vinrent respectueusement baiser sa main. Ils prononcent des prières funèbres, l'enterrent sur une butte couverte de pin. Ensuite, tenant en main leurs chevaux, ils défilent autour de la tombe, la pointe de leur lance renversée contre terre. On croyait voir les funérailles décrites par l'historien des Goths, ou les cohortes prétoriennes renversant leurs faisceaux devant les cendres de Germanicus, Versi Fasces. Le vent fait tomber les flocons de neige que le printemps du Nord porte dans ses cheveux. Hedda de Soemund. Bonaparte écrivit de Smolensk, en France, qu'il était maître des salines russes et que son ministre du Trésor pouvait compter sur 80 millions de plus. La Russie fuyait vers le pôle. Les seigneurs, désertant leurs châteaux de bois, s'en allaient avec leurs familles, leurs serfs et leurs troupeaux. Le Dniepr, où l'ancien Boristen, dont les eaux avaient jadis été déclarées saintes par Vladimir, était franchi. Ce fleuve avait envoyé au peuple civilisé des invasions de barbares. Il subissait maintenant les invasions des peuples civilisés. Sauvage déguisé sous un nom grec, il ne se rappelait même plus les premières migrations des Slaves. Il continuait de couler inconnu parmi ces forêts, portant dans ses barques, au lieu des enfants d'Odin, des châles et des parfums aux femmes de Saint-Pétersbourg et de Varsovie. Son histoire pour le monde ne commence qu'à l'Orient des montagnes, où sont les autels d'Alexandre. De Smolensk, on pouvait également conduire une armée à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Smolensk aurait dû avertir le vainqueur de s'arrêter. Il en eut un moment l'envie. L'empereur, dit M. Fin, découragé, parla du projet de s'arrêter à Smolensk. Aux ambulances, on commençait déjà à manquer de tout. Le général Gourgaud raconte que le général Lariboisière fut obligé de délivrer les toupes de ses canons pour panser les blessés. Mais Bonaparte était entraîné. Il se délectait à contempler, au debout de l'Europe, les deux aurores qui éclairaient ses armées dans des plaines brûlantes et sur des plateaux glacés. Roland, dans son cercle étroit de chevalerie, courait après Angélique. Les conquérants de première race poursuivent une plus haute souveraine. Point de repos pour eux qu'ils n'aient pressé dans leurs bras cette divinité couronnée de tours, épouse du temps, fille du ciel et mère des dieux. Possédé de sa propre existence, Bonaparte avait tout réduit à sa personne. Napoléon s'était emparé de Napoléon. Il n'y avait plus que lui en lui. Jusqu'alors, il n'avait exploré que des lieux célèbres. Maintenant, il parcourait une voie sans nom, le long de laquelle Pierre avait à peine ébauché les villes futures d'un empire qui ne comptait pas un siècle. Si les exemples instruisaient, Bonaparte aurait pu s'inquiéter au souvenir de Charles XII, qui traversa Smolensk en cherchant Moscou. À Kolodrina, il y eut une affaire meurtrière. On avait enterré à la hâte les cadavres des Français, de sorte que Napoléon ne put juger de la grandeur de sa perte. à Dorogobouch, rencontre d'un Russe avec une barbe éblouissante de blancheur descendant sur sa poitrine. Trop vieux pour suivre sa famille, resté seul à son foyer, il avait vu les prodiges de la fin du règne de Pierre le Grand, et il assistait dans une silencieuse indignation à la dévastation de son pays. Une suite de batailles présentées et refusées amenèrent les Français sur le champ de la Moscova. À chaque bivouac, l'empereur allait discutant avec ses généraux, écoutant leurs contentions, tandis qu'il était assis sur des branches de sapin où se jouait avec quelques boulets russes qu'il poussait du pied. Barclay, pasteur de Livonie et puis général, était l'auteur de ce système de retraite qui laissait à l'automne le temps de le rejoindre. Une intrigue de cour le renversa. Le vieux Kutuzov, battu à Austerlitz parce qu'on n'avait pas suivi son opinion, laquelle était de refuser le combat jusqu'à l'arrivée du prince Charles, remplaça Barclay. Les Russes voyaient dans Kutuzov un général de leur nation, l'élève de Souvarov, le vainqueur du grand vizir en 1811, et l'auteur de la paix avec la porte, alors si nécessaire à la Russie. Sur ces entrefaites, un officier moscovite se présente aux avant-postes de Davout. Il n'était chargé que de propositions vagues. Sa mission réelle semblait être de regarder et d'examiner. On lui montra tout. La curiosité française, insouciante et sans frayeur, lui demanda ce qu'on trouverait de Viasma, à Moscou. « Poultava, » répondit-il. Arrivé sur les hauteurs de Borodino, Bonaparte voit enfin l'armée russe arrêtée et formidablement retranchée. Elle comptait 120 000 hommes et 600 pièces de canon. Du côté des Français, égale force. La gauche des Russes examinée, le maréchal Davout propose à Napoléon de tourner l'ennemi. « Cela me ferait perdre trop de temps, » répond l'empereur. Davout insiste. Il s'engage à avoir accompli sa manœuvre avant 6 heures du matin. Napoléon l'interrompt brusquement. « Ah, vous êtes toujours pour tourner l'ennemi !» On avait remarqué un grand mouvement dans le camp moscovite. Les troupes étaient sous les armes. Kutuzov, entouré des popes et des archimandrites, précédé des emblèmes de la religion et d'une image sacrée sauvée des ruines de Smolensk, parle à ses soldats du ciel et de la patrie. Il nomme Napoléon le despote universel. Au milieu de ces chants de guerre, de ces chœurs de triomphe mêlés à des cris de douleur, on entend aussi dans le camp français une voix chrétienne. Elle se distingue de toutes les autres. C'est l'hymne saint qui monte seul sous les voûtes du temple. Le soldat, dont la voix tranquille et pourtant émue, retentit la dernière, et l'aide-de-camp du maréchal qui commandait la cavalerie de la garde. Cet aide-de-camp s'est mêlé à tous les combats de la campagne de Russie. Il parle de Napoléon comme ses plus grands admirateurs, mais il lui reconnaît des infirmités. Il redresse des récits menteurs et déclare que les fautes commises sont venues de l'orgueil du chef et de l'oubli de Dieu dans les capitaines. Dans le camp russe, dit le lieutenant-colonel de Baudus, on sanctifia cette vigile d'un jour qui devait être le dernier pour tant de braves. Le spectacle offert à mes yeux par la piété de l'ennemi, ainsi que les plaisanteries qu'il dicta à un trop grand nombre d'officiers placés dans nos rangs, me rappela que le plus grand de nos rois, Charlemagne, se disposa lui aussi à commencer la plus périlleuse de ses entreprises par des cérémonies religieuses. Oh, sans doute, parmi ces chrétiens égarés, il s'en trouva un grand nombre dont la bonne foi sanctifia les prières. Car si les Russes furent vaincus à la Moscova, notre entier anéantissement, dont ils ne peuvent se glorifier en aucune façon, puisqu'il fut l'œuvre manifeste de la Providence, vint prouver quelques mois plus tard que leurs demandes n'avaient été que trop favorablement écoutées. Mais où était le Czar ? Il venait de dire modestement à Madame de Staël fugitive qu'il regrettait de n'être pas un grand général. Dans ce moment paraissait à nos bivouacs M. de Beausset, officier du palais. Sorti des bois tranquilles de Saint-Cloud et suivant les traces horribles de notre armée, il arrivait la veille des funérailles à la Moscova. Il était chargé du portrait du roi de Rome que Marie-Louise envoyait à l'empereur. M. Fin et M. de Ségur peignent les sentiments dont Bonaparte fut saisi à cette vue. Selon le général Gourgaud, Bonaparte s'écria, après avoir regardé le portrait, « Retirez-le, il voit de trop bonne heure un champ de bataille. » Le jour qui précéda l'orage fut extrêmement calme. « Cette espèce de sagesse que l'on met, dit M. de Baudus, à préparer de ces cruelles folies, a quelque chose d'humiliant pour la raison humaine, quand on y pense de sang-froid à l'âge où je suis arrivé. Car dans ma jeunesse, je trouvais cela bien beau. Vers le soir du 6, Bonaparte dicta cette proclamation. Elle ne fut connue de la plupart des soldats qu'après la victoire. « Soldats, voilà la bataille que vous avez tant désirée. Désormais, la victoire dépend de vous. Elle nous est nécessaire, elle nous donnera l'abondance et un prompt retour dans la patrie. Conduisez-vous comme à Austerlitz, à Friedland, à Vitebsk et à Smolensk, et que la postérité la plus reculée cite votre conduite dans cette journée. Que l'on dise de vous, il était à cette grande bataille sous les murs de Moscou. » Bonaparte passa la nuit dans l'anxiété. Tantôt il croyait que les ennemis se retiraient, tantôt il redoutait le dénuement de ses soldats et la lassitude de ses officiers. Il savait que l'on disait autour de lui « Dans quel but nous a-t-on fait faire 800 lieues pour ne trouver que de l'eau marécageuse, la famine et des bivouacs sur des cendres ?» Chaque année la guerre s'aggrave. De nouvelles conquêtes forcent d'aller chercher de nouveaux ennemis. Bientôt l'Europe ne lui suffira plus, il lui faudra l'Asie. Bonaparte, en effet, n'avait pas vu avec indifférence les cours d'eau qui se jettent dans le Volga. Né pour Babylone, il l'avait déjà tenté par une autre route. Arrêté à Jaffa, à l'entrée occidentale de l'Asie, arrêté à Moscou, à la porte septentrionale de cette même Asie, il vint mourir dans les mers qui bordent cette partie du monde d'où se levèrent l'homme et le soleil. Fin de la section 7.